Fontaine. Samedi, on va. Bonjour monsieur. Il vous faut quelque chose? Oui, je peux avoir 4 ou 5 nuggets là. Bien sûr. Je suis désolé du peu, mais plus que ça. Bon gosse. Là.